Let's go illico. On me dit que je suis fou et que je devrais prendre des soins médicaux. Comme un toxico, le rap c'est ma conso. Je remplis des pages recto verso de ma vie perso. Embrouillé, zigouillé et mon cerveau. Je développe les blèmes pro qui ne passent pas aux infos. T'as vu ça dans la cité, c'est le Kosovo. En plus de ça, les tataxes nos mifas par un pot loco. J'esquive les locaux, des keufleurs comico. On veut se refaire à neuf avec mes bigots et mes négros. Le gros allégro, enfermé au studio. Je transcris au micro, le ghetto en format audio. Si Dieu veut, bientôt dans toutes les radios. Tu m'entendras, branche bien tes machichio. Aïmo, Kono, voici le duo. Signé Mister CRO et Don Diego. T'attends le beat, on se sent plus fort. Je me dois de ne pas échouer, défouer. Y'a dans le vide qu'on se sent doué. Pour éviter de couler, j'ai la religion comme bouée. La tête nouée, je prie qu'on exauce mes souhaits. Je viens m'engager, les déranger, les dégager, rapport âgé. Je poursuis mon trajet, mes projets d'accrocher vont amocher. Non, je peux pas décrocher, je me suis trop accroché. Prends le congé, je pourrai jamais, jamais vraiment y songer. C'est décidé, je vais procéder, je sais que je vais tout décéder. On sortira tous nos CD dans les bacs ou dans la cité. Les exemplaires sont édités, de la qualité en quantité. S'il y en a plus, la vérité, on pourra les rééditer. J'perds ni le sud, ni le nord, double d'efforts obligés. Ils envahissent le rap à mort, c'est le comore affiché. Contenu exigé, que je vais leur infliger. Bien les corriger, laissez-moi diriger. J'ai t'attends le beat, on se sent plus fort. Format audio, Paris-Marseille, Comoria, Mister CROMA, Don Diego Ishia. J'attends.